que tu m'entends? Et est-ce que la voix, c'est bon? Bon, je coupe le micro, mais tu me diras si tu m'as bien entendu. Mm-hmm.